Est-ce qu'il y a des recettes typiquement du coin qui sont différentes des autres plats provençaux? Moi, j'avais toujours entendu dire la soupe à l'ail de bride, c'est-à-dire le tiang. À l'ail de bride. Le tiang. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou le tiang, ou la soupe à l'ail de bride. Des amandes à la focaccia reine. Ah, ça, je ne sais pas. C'est pour la reine qui donne la recette. Ah oui, mais moi je parle que des recettes de famille. Oui, des recettes de famille. On peut pêcher ça dans la littérature. Non, la soupe à l'œil de bride, c'est on appelle en bon français la soupe des lendemains de fête. On met tout à la broche. On met de l'eau à bouillir avec du sel bleu. On y met une pinte de soja. Attention, c'est amer. Du poivre. Et on y épluche une tête d'ail. Ouais. Une douzaine pour deux ou trois personnes, on y met. Moi j'y mets une dizaine de mousse d'ail. Si vous ne mettez pas l'ail, il ne faut pas le faire. Mais l'ail cuit, il n'a rien à voir avec l'ail cru. Ça fait la crème, quoi, l'ail cuit, c'est tout. Et on le fait cuire, bien entendu, dans cette eau. Quand elle est cuite, vous mettez dans une soupière des tonnes de pain que vous arrosez d'huile d'olive. Vous mettez un œuf ou deux battus dessus. Et pour deux, je mettrai donc une demi-étau de râpé. Bon. Et puis, vous préparez vos assiettes, vous mettez votre table, quoi. Et puis, vous arrosez vos croutons avec ça et vous couvrez avec le couvercle un petit moment. Mmh. Mais pas trop longtemps, si c'est trop mon gaz de pêche. Et ça vous lave le foie. Ah oui, ça, je vous crois. Oui. Alors, j'adore ça. Je n'aime pas la soupe, mais c'est la soupe qu'on mangeait le lendemain de fête, mais alors sans œufs et sans fromage. Oui, parce que. Ah ben ma foi, nous on l'a jamais mangé sans œuf et sans fromage. Moi je la laisse dans la marmite, c'est de l'eau bouillie vraiment. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Le tiam aussi. Les morues, vous prenez des poireaux un peu gros, bien blancs, un peu gros, divers. Ouais. Et vous les coupez en pas trop gros morceaux, en petits morceaux. Mais pas hachés. Plus pas hachés, plus petits que la soupe de légumes. Oui, oui, d'accord. Vous les faites roussir, toujours dans de l'huile d'olive avec du laurier, pas de l'ail. Laurier. Pas d'ail dans les poireaux, vous ne mettez pas d'ail. Et puis d'autre part, alors vous faites blanchir votre morue à peine, vous la triez bien entendu, vous les miettez, pas haché toujours, des morceaux restant entiers, des morceaux gros, feuillés. Alors, quand vos poireaux sont roussis dans l'huile d'un côté, dans votre compote, vous saupoudrez ça vous mettez votre morue dedans. Vous lui donnez un tour faites un peu sécher. Et puis, vous saupoudrez d'un peu de farine, pas beaucoup. Et vous mouillez avec l'eau bouillante de la morue. Le goût de la morue. Et vous délayez un peu. Faites pas une béchamel, surtout, c'est pas bon. Il n'y a pas beaucoup de farine, c'est juste un petit peu pour lier le tout. Que ça fasse pas. Et vous mettez bien du poivre et des olives noires. Et on mange que c'est dans une sorte. C'est bon. C'est un poêle. C'est un poêle. Mais il faut que ce soit un peu fondu. Oui, c'est-à-dire c'est que les poireaux soient un peu effrités, la morue un peu effilée. Ma mère le fait. Et pas beaucoup de farine, juste pour lier, que votre sauce ne soit pas liquide et qu'on ne trie pas l'huile sur la marque. Et dedans, il met une petite tomate, pas grosse. Ah non, il met pas de tomate. C'est bon. C'est vert, la couleur est verte. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait que le blanc des poireaux. Oui, il faut qu'il y ait aussi le vert. Il faut qu'il y ait une partie du vert qui reste un peu dur. Elle reste mieux un morceau que le devant. C'est-à-dire que voilà, le plat tient le milieu entre le morceau et la crème onctueuse. Alors, le blanc des poireaux devient onctueux, se fond, et le peu de vert que vous mettez se lie avec les morceaux de morue. Ah, d'accord. C'est une crème presque, mais il y a les morceaux dedans. Attends. nous on se régale. On m'avait dit que le repas maigre pour Noël, vous faisiez quand? La veille, le soir? La veille, le soir, le gros souper. C'est le repas maigre qu'on fait avant d'aller à la messe de minuit. Ça dépend, les protestants, ouais. C'est le contraire. Hein. Nous, moi, je veux amener les protestantes. Ah bon? C'est sacré bas. Tout ce qu'on peut de richesse, on le met sur la table le soir de Noël. Le soir de Noël? Oui, les protestants. La veille de Noël. Le soir de la veille de Noël. Le soir, vous allez à la messe de minuit. Oui, enfin, en rentrant. Non, c'est la veille de Noël. Et même au repas, de soir de Noël, avant d'aller à la messe de minuit, on appelle ça chez nous sacré bas. C'est-à-dire, tant qu'on en peut, alors que les catholiques, eux, font maigre. Oui, mais attention. Pas pareil. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Oui, bon, attention, on fait maigre, mais ça ne veut pas dire qu'on mange mal. On fait maigre. À part cette traditionnelle carde. Voilà, c'est tellement jambes cette affaire. C'est une pâte traditionnelle. Je pense qu'à l'origine, on mangeait ça pour faire pénitence. Chez nous, par exemple, dans nos petits pays, les poissons sont inconnus. C'est un truc qui ressemble à les anchois. Je crois qu'avant la guerre des 40, ils ne mangeaient pas de poissons. Quand ils passaient un poissonnier, quelques fortunes aisées arrivaient avec leurs assiettes pour prendre le poisson. On faisait bien voir qu'on prenait son poisson. Alors donc, la veille de Noël, la veille le soir de la Noël nativité, pour les protestants, quoi. C'était sacré. Bah, vous faites c'est là quand même ça, quand le gratin d'herbe. Voilà, vous faites le gratin d'herbe. Ouais. Mais nous, on y mettait des œufs ou du lait, des galets. Ouais, Et les 13 desserts, alors vous les mangez le soir ou à midi le lendemain? Ah, le soir. Le soir. Il faut qu'ils soient sur la table. Et le soir de Noël, on ne doit pas débarrasser la table. Elle doit rester mise toute la nuit. Et puis, il faut la parler pas, moi. Il y a un couvert de plus pour le pauvre. S'il arrive un invité supplémentaire, il va s'en S'il arrive quelqu'un qui n'était pas invité, quoi, qui arrive par hasard, il a toujours sa table, sa place. D'accord. Et le lendemain midi, alors vous ne mangez pas, parce que vous mangez toute la nuit. Ça, c'est vous qui le dites. Tout de suite. Après, si on ne mange pas toute la nuit, c'est-à-dire le jour de Noël, on ne va pas danser, on ne danse pas, ce n'est pas une fête de jeûne, c'est une fête de famille. Alors, quand on rentre de la messe de minuit, on fait son réveillon. Et puis on met le cacio-fio. C'est ça. Cacio-fio, c'est un tronc d'arbre, une grosse bûche. D'accord, une grosse bûche, de préférence un arbre fruitier. Et c'est le plus vieux de la maison et le plus jeune qui la met dans le feu. Et on l'arrose de vin cuit en me disant, qu'est-ce qu'on dit? Oui, allègre, allègre, allant que vin, que si c'est pas mal, si c'est pas mal. C'est-à-dire, joie, joie, allant qui vient, que si on n'est pas plus, on ne soit pas moins. D'accord.